La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que se passe-t-il quand passe une onde gravitationnelle ? À la fin de l'année 1915, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale qui vient bouleverser la façon de comprendre la gravitation. L'année suivante, donc en 1916 si je compte bien, il tombe malade. Épuisé par des années de travail intense et par des douleurs à l'estomac, il perd plusieurs kilos en quelques mois. C'est à ce moment-là qu'il commence à se demander si une masse en mouvement qu'on accélère pourrait perdre de l'énergie en rayonnant des ondes gravitationnelles, de la même façon qu'une charge électrique qu'on accélère rayonne des ondes électromagnétiques. Il découvre rapidement des solutions de ces équations correspondant à des ondulations de l'espace-temps se propageant à la vitesse de la lumière. Au cours de leur voyage, elles devraient secouer l'espace-temps et ainsi modifier brièvement la distance séparant deux points dans l'espace. Mais de telles ondes existent-elles vraiment, en chair et en os, au sein de notre univers? La question resta en suspens pendant des décennies. Et puis un beau jour, le 11 février 2016, la première détection d'ondes gravitationnelles fut officiellement annoncée, un siècle exactement après leur prédiction par le père de la relativité. Pour saisir leur passage, il eût été vain d'utiliser une règle matérielle, si précise fut-elle. Les ondes la déformeraient elles aussi, tout comme l'espace, et elles ne pourraient mesurer aucun effet. Alors comment les physiciens sont-ils parvenus à détecter des ondes gravitationnelles? Le 13 février 2016, un célèbre journal du soir titra en une « Einstein avait raison ». L'article était accompagné de la photo la plus célèbre du physicien, celle où on le voit âgé tirant la langue au journaliste venu le traquer à la sortie d'un restaurant, comme pour signifier « je vous l'avais bien dit ». Le même jour, ce même journal annonçait que les Rolling Stones, en tournée en Amérique du Sud, avaient donné la veille un concert à Buenos Aires. L'article était lui aussi accompagné d'une photo qui, elle, contenait le logo le plus iconique de l'histoire du rock, une langue tirée entre deux grosses lèvres, écho épuré de la bouche lipue de Mick Jagger. Sans doute, cette coïncidence est-elle le signe, du moins me plaît-il de le penser, qu'Einstein eût été beaucoup plus Rolling Stones que Beatles. Il appartenait à la patrie des rebelles, à la petite nation de ceux qui tirent la langue. Mais je sens qu'emporté par un excès de subjectivité, je dérive de notre sujet. Notre sujet, ce sont les ondes gravitationnelles et seulement elles, et nous allons traiter avec mon invité, qui est Nathalie Deruel. Bonjour Nathalie Deruel. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'université Paris 7 Denis Diderot, et vous êtes également professeur affilié à l'Institut Yukawa de Kyoto. Et vous avez publié récemment, avec Jean-Pierre Lassota, un livre intitulé « Les ondes gravitationnelles ». Alors si je vous dis, Nathalie Deruel, GW150914, vous me répondez quoi ? Que je suis émue. Parce que ça a été un très très grand moment de l'histoire de la science. Même si ce fameux 14 septembre 2015, très peu de gens ont été au début au courant de ce qui s'était passé aux États-Unis, dans deux sites d'observation de ces ondes. Vous êtes en train de me dire que 15-09-14, ça veut dire 14 septembre 2015? Oui, c'est la date à l'américaine. Et le GW? Ah oui, Gravitational Waves, c'est-à-dire ondes gravitationnelles. Donc c'est une façon de noter l'événement dont j'ai parlé dans mon introduction, c'est le passage d'une onde gravitationnelle au travers de la Terre le 14 septembre 2015. Exactement. Mais ce n'est qu'en février 2016, comme vous le rappeliez dans votre introduction, que la planète, y compris certains journaux du soir, l'a su officiellement qu'une onde était passée plusieurs mois auparavant. Parce que c'était un travail de titan de vraiment tout vérifier. Alors les gens de mon espèce avaient déjà entendu quand même pas mal de rumeurs avant l'annonce officielle, mais quand le secret avait été bien gardé. Au moins assez tard, les fuites ont été... colmatées. Oui. C'est d'ailleurs assez remarquable, parce que c'est une collaboration de 1000 chercheurs qui étaient impliqués dans cette découverte, et qui ont vraiment fait un effort louable pour ne pas alerter les médias de façon prématurée. Ils voulaient être absolument sûrs de ce qu'ils avançaient. Et en février 2016, le jour de l'annonce, il se trouve que j'étais à Nancy où je donnais une conférence grand public aux étudiants. Et je dois dire que c'était un moment fort pour moi, parce que la conférence devait durer une petite heure. Et je leur ai dit, écoutez, si vous voulez rester, attendez encore un quart d'heure, on va entendre en direct de Washington, je crois. La conférence de presse. La conférence de presse. Et tous ces étudiants sont restés, il y a eu beaucoup de questions après, c'était un moment... Mais on sent que vous êtes encore émue. Oui, je suis émue. Deux ans plus tard. Oui. Même plus que deux ans plus tard. Oui. Parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont confirmé tout cela. Il y en a eu un autre d'un autre type. Enfin, on viendra sur le qu'est-ce qui est à l'origine de cette onde, bien sûr. Il y en a eu de deux types différents. Pour l'instant, les détecteurs sont en train d'être remis à niveau. Donc, en ce moment, il n'y a pas de campagne d'observation. Il y en aura une nouvelle l'an prochain. Et à ce moment-là, cette nouvelle vision de l'univers, cette nouvelle fenêtre sur l'univers sera de plus en plus grande ouverte et on s'attend à des choses extraordinaires. Alors j'étais aussi avec deux collègues en train de regarder cette conférence de presse. Il y avait en effet beaucoup d'émotions autour de nous parce que c'est quand même quelque chose qui était attendu. Oui. Mais la façon dont ça a été annoncé était assez émouvante. Mais en lisant votre livre, Nathalie Dorwell, on se rend compte qu'en fait... les gens qui s'occupent du détecteur américain qui a détecté ces ondes gravitationnelles pour la première fois l'ont su quasiment le jour même du passage. Alors qu'il a fallu des mois et des mois d'analyse pour extraire un signal propre et être sûr de la signature de l'événement. Mais à quoi l'ont-ils repéré cet événement? Comment est-ce qu'il se... Enfin, c'est-à-dire un seul post-doc, je crois, qui a... Oui, enfin moi je ne fais pas partie de la collaboration LIGO-Virgo, qui sont c'est les noms des détecteurs qui ont observé cette onde gravitationnelle, mais ça a été décrit dans différents livres déjà même. Et ce qui s'est passé, c'était au milieu de la nuit, donc il y a deux grands détecteurs, on viendra peut-être plus en détail sur leur structure, la façon dont ils mesurent tout ça. Aux États-Unis, un en Louisiane et un dans l'État de Washington. Un à Livingston et un à Hanford. Voilà. Et donc, au milieu de la nuit américaine, ces deux détecteurs, il n'y avait que personne autour, c'était au milieu de la nuit, ont vibré. Et évidemment, tout ça est informatisé et le signal est arrivé dans tous les endroits de la collaboration. Et il y avait un post-doc en Allemagne, à Hanovre, si mes souvenirs sont bons. Oui, Hanovre. Oui. Où il faisait jour. Où il faisait jour et qui était de garde en quelque sorte parce que c'est les données arrivaient en flot continu et il a vu un signal qui sortait assez nettement du bruit. Enfin, il y avait déjà eu un petit nettoyage automatique et il s'est dit mais c'est exactement ce à quoi on s'attend et il a immédiatement téléphoné d'abord aux deux sites américains pour savoir s'il y avait eu un bug, enfin, si c'était passé quelque chose. Non, on lui a dit que tout était normal. Et au bout d'une heure, les 1000 personnes de la collaboration étaient alertées. Et visiblement, il y a eu un sentiment d'exaltation énorme au milieu pour ces 1000 personnes. Mais qui ensuite se sont dit, nous voulons faire un travail sérieux. Et c'est pas parce qu'il se passe quelque chose qu'on est sûr que ce ne soit pas dû à un bruit dans les appareils, que ce ne soit pas une coïncidence. Tout ça a été possible. Et puis aussi parce qu'on envoyait de temps en temps des signaux canulars pour tester l'honnêteté des scientifiques. Alors ça, c'est une autre histoire, effectivement. Il y avait eu une procédure dans les campagnes précédentes qui était assez spécifique à la collaboration LIGO-Virgo, qui consistait à tester les appareils en injectant dedans des signaux préfabriqués. Donc ça, en soi, c'est sans standard. Sans que les scientifiques soient au courant. Oui, ça, si j'ai bien compris, je ne suis pas expérimentatrice. Mais ça, en soi, c'est tout à fait standard. En physique des particules, au CERN, ça se fait aussi pour tester les appareils. Mais l'idée, là, c'était non seulement tester les appareils, mais surtout l'analyse des données. Parce que ce sont des signaux tellement difficiles à détecter dans le bruit, parce que c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin, toute l'analyse des données est quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, pour éviter les biais psychologiques ou autres, deux fois de suite, une petite équipe avait envoyé un faux signal. Et la première fois, il avait fallu 6 mois aux scientifiques qui n'étaient pas au courant pour dire, oui, on voit quelque chose. Et la deuxième fois, ça n'avait pris que 3 mois. Mais enfin, quand même, ça fait beaucoup de temps de travail de chercheur. C'est-à-dire qu'au moment où les scientifiques sont convaincus qu'il y a eu un signal, on leur dit, ben non, c'était un... Exactement. Et c'est au moment où ils allaient publier l'article que le chef de la collaboration a ouvert une enveloppe en disant, ben non, c'était un signal. Mais ça doit être très dur à vivre. Je pense que c'est... Oui, d'ailleurs, il y a eu un livre qui s'appelle Gravity's Kiss, de Harry Collins, qui est sociologue, qui fait partie de la collaboration et qui commente amplement l'aspect psychologique de l'affaire. Et donc, en plus, pour le second, c'était amusant parce que ceux qui avaient fait l'analyse des données avaient dit que le signal venait de tel endroit du ciel, alors que ceux qui l'avaient injecté, eux, pensaient qu'ils faisaient un faux signal qui venait d'une autre direction du ciel. C'est parce que ceux qui avaient envoyé le faux signal s'étaient trompés d'un signe quelque part. Donc, quand le postdoc de Hanovre a vu ce nouveau signal qui apparaissait, évidemment, la collaboration s'est demandé si c'était pas de nouveau un de ces tests. Et tout ça a été vérifié, il y a eu une enquête, enfin tout ça a été fait très sérieusement, pour arriver à la conclusion que non. Mais c'est ce qui m'a intéressé dans cette histoire-là, c'est le fait que c'est un peu quelque chose de nouveau dans la méthode scientifique que d'avoir finalement qu'un seul groupe d'analyse des données. Ce qui est le cas actuellement dans LIGO Virgo. Par exemple, pour la découverte du boson de Higgs au CERN, c'est évidemment le même anneau de collision, mais il y avait deux équipes, deux détecteurs avec des méthodes différentes, des équipes qui ne se parlaient pas, qui analysaient distinctement. Donc ça permettait de... Et c'est en comparant leurs résultats qu'on a acquis la preuve que cette particule existe. Tandis que pour LIGO Virgo, les analyses de données, du moins c'est ce que j'ai compris, sont tellement difficiles qu'il faut vraiment mettre toute le manpower que l'on a sur les données. Donc voilà, ça a été effectivement un épisode pour le premier. Et puis après ça, étant donné qu'il y a eu d'autres signaux qui ont été redétectés, et puis surtout, on en parlera après, un autre signal qui a été observé également dans le domaine électromagnétique par des astronomes. Donc là, il y avait une double preuve. Il y avait une double preuve pour le coup. Mais alors, on l'a dit, de grosses analyses qui ont dû être faites pour... séparer le signal de tous les bruits qui viennent le parasiter. Oui. C'est quoi les bruits principaux? Vous parlez des éclairs produits par les orages dans l'atmosphère. Enfin, c'en est un parmi des masses. Il y a le courant à 60 Hertz du réseau américain. Oui, et puis je crois qu'il y a des centaines de sources de l'activité bruit. Sismique. L'activité sismique est un très important, c'est un problème très important. C'est bien pour ça qu'il faut, entre autres, plusieurs détecteurs à des endroits différents. D'abord pour faire de la triangulation, pour savoir d'où ça vient dans le ciel, mais aussi pour contrôler tous ces bruits, les corrélations entre les bruits, etc. Mais vous dites dans le livre que très rapidement on a su que ce signal, s'il était bien réel, était produit par la fusion de deux trous noirs. Oui. Comment est-ce que la signature du signal peut être aussi précise? Alors, pour savoir que c'était deux trous noirs, ça a été relativement rapide, en fonction des premières données qui avaient été obtenues. Parce que on a pu, à partir de ce premier signal pas encore tout à fait dégrossi, donc sans les caractéristiques fines, savoir quelle était la masse des objets qui s'étaient effondrés l'un sur l'autre pour produire cette onde gravitationnelle. Et on savait que ces objets-là étaient des objets, évidemment, de taille astrophysique, parce que ça se compte en masse solaire, et qui étaient très compacts, et dont les masses devaient être assez élevées. Ça, on l'a vu tout de suite. Supérieures à 10 masses solaires. En fait, à la fin, c'est une trentaine, une vingtaine, je crois. 36 et 29. Merci. Voilà. Et or, les théoriciens savaient, et les astrophysiciens, savait depuis de longues dates que des objets compacts de ces masses-là ne pouvaient être que des trous noirs. Donc c'est pour ça que dès le départ... Mais est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient capables de fusionner ces objets? On n'avait jamais vu de traces de fusion de trous noirs. Ah bah justement, ça c'est un des aspects émouvants et importants de cette découverte, c'est que ce que ces détecteurs ont vu ne pouvait pas être détecté par des télescopes ordinaires, parce qu'ils n'ont émis aucune lumière. Ce sont des trous noirs, par définition du mot noir, ce sont des objets qui n'émettent pas de lumière, du moins ces trous noirs astrophysiques, qui donc spiralaient l'un autour de l'autre. On savait, on y reviendra déjà, qu'ils devaient perdre de l'énergie par onde gravitationnelle et donc se rapprocher les uns des autres en spiralant l'un autour de l'autre de plus en plus vite, jusqu'à fusionner en un seul trou noir. Mais ça, par définition, on ne l'avait jamais vu, parce que... Donc c'était d'emblée la naissance d'une nouvelle astronomie, finalement. Oui, c'était c'est vraiment l'acte de naissance d'une nouvelle astronomie. Mais ces deux trous noirs qui fusionnent, ils ont maigri, ils ont perdu de la masse, et alors, plusieurs masses solaires qui s'est convertie en énergie. Oui. Et quand on fait le calcul, oui, c'est une énergie et une puissance, puisque oui, le temps d'émission est de quelques dizaines de millisecondes. Oui. Une puissance absolument colossale. Probablement la plus grosse émission d'énergie dans un temps aussi court qu'on ait jamais observé. Plus que l'énergie... Trois masses solaires qui se transforment en pure énergie. Donc ça, c'est absolument énorme. Par comparaison, Hiroshima, c'est un gramme de matière qui se transforme en énergie. Donc là, c'est trois masses solaires. Donc tout ça à donne fait l'ordre de grandeur. Mais il faut quand même dire quelque chose. C'est que cette énergie qui a été émise, ça a été sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc quand une onde passe, prenons une onde électromagnétique, radio qui passe, pourquoi on la détecte? C'est parce qu'elle interagit avec une antenne, avec donc la matière chargée. Tandis qu'une onde gravitationnelle, elle possède beaucoup d'énergie, mais elle va interagir gravitationnellement avec la matière. Et l'interaction gravitationnelle, en fait, à petite échelle, est extrêmement faible. Donc cette énergie énorme qui a été dissipée sous onde gravitationnelle, une fois qu'elle est arrivée sur Terre, qui était déjà un peu loin, elle a fait bouger très peu des masses qui étaient en mouvement libre, parce que l'interaction est très faible. En fait, l'explosion, enfin, c'est pas l'explosion, c'est la fusion dont on parle entre les deux trous noirs, a eu lieu 1,3 ou 5 milliards d'années. Oui. Avant la détection, ce qui a donné à l'onde le temps de s'expandre dans l'espace. Oui. Et elle s'est affaiblie en s'éloignant de la source, d'une part, et d'autre part, elle interagit faiblement avec tout ce qu'elle rencontre. Quasiment pas, ce qui fait qu'on garde une trace de la source qui a pu l'émettre, finalement. Oui. Signal qu'on obtient garde la signature du processus. Ah, la signature, oui, exact, oui. C'est ce qui permet. C'est vraiment une signature, c'est typique. Mais après ça, il a fallu tout un travail gigantesque, donc, pour dire que non seulement c'était des trous noirs, mais pour extraire les masses de l'un et de l'autre, et puis leur spin, c'est-à-dire leur rotation sur eux-mêmes, et puis déduire la masse finale du trou noir qui s'est formé par fusion, et de dire qu'il avait perdu trois masses solaires. Donc c'est ça qui a demandé des mois d'études. Nathalie Darvel, dans votre livre, vous avez dit que ces ondes gravitationnelles sont comme des tremblements de ciel. Ah oui. Et en plus, je dois dire que Jean-Pierre Lazotta, avec qui j'ai écrit ce livre, et moi-même, nous devons cette jolie expression à Michel Cassé. Et qu'on l'avait trouvé très joli, donc je lui rends hommage pour Vous connaissez l'anagramme de onde gravitationnelle au pluriel? Pardon? L'anagramme de onde gravitationnelle au pluriel, vous le connaissez? Vous la connaissez? Non. Ça donne le vent d'orage lointain. Ah, c'est magnifique aussi. Ça va dans le sens de ce que vous évoquiez. Oui. Ça, c'est très joli, oui. Alors, on va, si vous voulez bien, faire un peu d'histoire pour raconter comment ce signal a finalement pu être détecté. Il y a un monsieur assez connu dans le monde de la physique, qui a été un pionnier, qui s'appelle Joseph Weber. Ah oui. Il a tenté de détecter des ondes gravitationnelles dans les années 60, après la Deuxième Guerre mondiale, d'une façon générale, oui, avec des instruments qui n'avaient pas la bonne précision. Mais c'est sa détermination qui a convaincu d'autres chercheurs que peut-être ce serait possible un jour. Oui, là vous ouvrez la page de l'histoire des ondes gravitationnelles pour se convaincre qu'elles existaient, etc., qui a duré 100 ans. Et Joseph Weber a été... D'abord, un homme qui a été qui correspond à une époque vraiment charnière de l'histoire des ondes gravitationnelles, parce que nous parlerons peut-être de l'histoire plus ancienne plus tard, mais dans les années 50, à l'époque où Joseph Weber a commencé à s'intéresser aux ondes gravitationnelles, il y avait chez les théoriciens, qu'on appelle les relativistes, des doutes. Les gens n'étaient pas tellement sûrs qu'elles existaient vraiment. Il y avait des conférences où les gens s'affrontaient, est-ce qu'elles existent, elles n'existent pas. Einstein lui-même avait eu des doutes sur la question. Et Joseph Weber, qui lui était ingénieur de formation, s'est dit, on pourrait peut-être essayer de les détecter, comme ça. Les doutes portaient sur l'existence même, pas sur la possibilité de les détecter. Ah, ça, sur le fait que ça serait horriblement difficile à détecter si elles existaient, ça, tout le monde le savait depuis le départ, Einstein lui-même, en 1916. Mais ensuite, il y avait eu des doutes pour savoir est-ce qu'elles existaient vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, exister vraiment, dans ce contexte? Ça veut dire que Einstein nous avait livré, comme vous l'avez dit, cette théorie de la relativité générale en 1916, qui révolutionnait notre monde, notre vision de la gravitation et de l'univers en général. Mais les équations qu'il avait données aux physiciens, il fallait les faire parler pour en extraire des prédictions. Par exemple, il fallait extraire la prédiction des trous noirs, en comprenant, en démontant ces équations, en les faisant parler. Et de même, il fallait faire parler ces équations pour essayer d'en extraire la notion d'onde gravitationnelle. Et la question qui se posait, c'était que la notion d'onde gravitationnelle sortait naturellement de ces équations à condition de les tronquer, c'est-à-dire de les remplacer par une version simplifiée, qu'on appelle l'approximation linéaire pour être technique. Et donc ça, c'est ce qu'avait fait Einstein en 1916. Mais la question était de savoir, est-ce que la théorie complète, les vraies équations qu'il avait données au monde, contenaient elles-mêmes ces ondes? C'est-à-dire les équations non linéaires. Exactement. Parce qu'elles impliquaient elles aussi les ondes gravitationnelles, voilà. Ou c'était un effet, voilà, simplement de la simplification. Exactement. Donc le problème était beaucoup plus difficile que pour l'électromagnétisme, qui les ondes électromagnétiques, la lumière, sortent des équations de Maxwell, sont prédites par les équations de Maxwell. Telles quelles. Et telles quelles, parce que ces fameuses équations de Maxwell sont linéaires. Donc les ondes, la lumière, sont ce qu'on appelle des solutions exactes des équations de Maxwell. Mais ce que Einstein avait étudié en 1916 et tous ceux qui avaient suivi, ce n'étaient pas des solutions exactes. Donc les gens cherchaient des solutions exactes qui puissent être des ondes gravitationnelles. C'était très difficile à trouver. Est-ce qu'elles avaient les bonnes propriétés, etc. Donc, dans les années 50, le débat n'était pas complètement clos. Quand vous-même avez commencé à vous intéresser à la question, le débat était plus avancé? Ah oui, moi j'ai commencé ma carrière après 1950. Non, je sais bien, c'est pour ça que je dis après. Oui, alors justement, ce qui a fait débloquer la situation, c'était Joseph Weber, qui s'est lancé dans la détection des ondes gravitationnelles, qui a construit les premiers détecteurs dans les années 60, qui étaient d'un type tout à fait différent de ceux qui les ont effectivement détectés 50 ans plus tard. C'était des barres, qu'on appelle les barres de Weber. Ou des cylindres. Ou des cylindres. Et qui vibrait, qui était censé vibrer au passage d'une onde. Malheureusement, ces cylindres n'étaient pas suffisamment précis. Il a affirmé qu'il avait détecté des ondes. Et ensuite, les astrophysiciens lui ont dit, mais vu l'ampleur de signal que vous détectez, ça déstabiliserait, ça correspond absolument pas à ce qu'on peut prédire, ça n'était pas possible. Et c'est à ce moment-là, la fin de l'aventure de Joseph Weber, c'est le début des années 70, 72, 74. Et c'est à ce moment-là que Ray Wise, qui a eu le prix Nobel avec Kip Thorne et Barry Barish pour la détection des ondes gravitationnelles, a eu l'idée de développer, lui, un autre type de détecteur qu'on appelle les interféromètres. Donc ces années 70-74 ont été aussi une période charnière. On s'est rendu compte que les barres, ça ne marcherait peut-être pas très bien. Et c'est aussi la période, tout ça a été concomitant, où la génération dont j'ai fait partie, parce que j'ai commencé à travailler dans ces années-là, a été vraiment convaincue que les ondes gravitationnelles existaient, mais pas parce qu'elles avaient été détectées sur Terre. Ça, pour ça, il a fallu attendre encore une quarantaine d'années. Mais parce qu'en 1974, deux astrophysiciens, Hulse et Taylor, qui étaient des radioastronomes, ont vu, en utilisant le télescope de Arecibo, à Porto Rico, que deux pulsars, qui étaient des étoiles à neutrons, donc ils observaient les bips radio, se rapprochaient lentement l'une d'elles, exactement en conformité avec ce que Einstein lui-même avait prédit. Donc, ça, d'ailleurs, ils ont eu le prix Nobel en 1993 pour ça. Donc, c'était une preuve indirecte, finalement, de l'existence de l'homme. Alors, on dit souvent que c'est une preuve indirecte, mais en fait, c'est une preuve tout à fait directe, dans la mesure où cette perte d'énergie, ce qu'on a vu, c'est l'effet de la perte d'énergie due au rayonnement gravitationnel sur le mouvement de ces objets, en parfaite conformité. C'est indirect au sens où on ne détecte pas les ondes elles-mêmes. Alors, on ne détecte pas l'onde elle-même, mais on détecte ce qu'on appelle la contre-réaction du départ de l'onde sur le mouvement des objets qui se rapprochent. Et les deux trous noirs qui ont fusionné, leur mouvement de fusion est exactement conforme à ce qui avait été observé par Hulse et Taylor. Sauf que Hulse et Taylor voient des objets qui sont encore assez loin les uns des autres, assez loin de leur fusion. Il faudra attendre 1 million d'années pour qu'ils fusionnent. Tandis que là, LIGO a vu le moment précis où ces deux trous noirs était enfin, tout à fait enfin à d'évolution. À quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, oui, au début, oui. Et à la fin, plus qu'un seul trou noir. Oui, c'est quand même spectaculaire. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, ce fameux Weber réalise avec une très grande détermination une série de détecteurs qui échouent à détecter les ondes, même s'il lui croit en voir passer. Ah oui, c'est un homme visiblement extraordinaire. Et ensuite, on dit, il faut utiliser de la lumière, parce que la lumière à une vitesse qui ne change pas, donc même quand une onde passe, ça ne change pas la vitesse de la lumière. Et donc si on mesure la durée que met la lumière pour aller d'un point à l'autre... Il faut pas, la méthode de Joseph Weber était tout à fait scientifiquement correcte. La seule question, c'était une question de sensibilité. Et Ray Wise, et ensuite très vite Alain Brié en France, se sont dit qu'ils atteindraient une meilleure... sensibilité, une meilleure précision en utilisant les propriétés de la lumière. Donc l'idée là, c'était de mettre deux miroirs, l'idée de base, deux miroirs qui sont suspendus, donc dont le mouvement horizontal est parfaitement libre, et s'il n'y a pas d'onde qui passe, en principe il ne bouge pas. Sauf qu'évidemment il bouge à cause de tous les bruits divers et variés dont on a parlé tout à l'heure, et qu'il faut donc contrôler. Et ce que fait la lumière, c'est de mesurer, on ne mesure jamais des distances en centimètres en physique de nos jours, on mesure des temps d'aller-retour, qui mesurent les temps d'aller-retour d'un faisceau laser entre ces deux miroirs. On transforme ça en interféromètre pour que des raisons de précision. Et donc si une onde passe, ça va changer le temps de parcours de la lumière entre les deux miroirs. Parce que la distance est modifiée. Qu'on peut interpréter comme une distance qui est modifiée. Et c'est ça qui va... Ça va se voir sur le fait que dans l'interféromètre, la figure, ce qu'on appelle la figure d'interférence, qui est directement reliée à la distance entre les deux miroirs, va être modifiée. Et le signal de l'onde gravitationnelle est extrait de cette figure d'interférence de la lumière. Non, concrètement, Nathalie Dorvalsi, on visite l'une des deux expériences, soit LIGO aux États-Unis, soit Virgo en Italie. Oui. Qu'est-ce qu'on voit ? Des tunnels ? Alors moi, je n'ai jamais eu le bonheur d'aller visiter ces installations. Il y a des photos dans le livre. Il y a des photos dans le livre, oui. Donc pour l'heure, il y a effectivement trois interféromètres. On a beaucoup parlé des deux Américains, LIGO et Virgo, parce que c'est eux qui ont fait les premières découvertes. Mais il y en a un autre, Virgo, qui est du côté de Pise, qui a rattrapé le train en marche. Oui, parce que quand l'onde est passée, l'installation était... Lorsque les premières ondes sont passées, l'interféromètre Virgo n'était pas encore en état complet de marche. Donc il n'avait pas participé aux premières observations. Mais ensuite, en mettant les bouchées doubles, ils ont rattrapé le train et ça a été capital. Parce que, à la fin de toute cette campagne, il y a eu deux événements qui ont été détectés par les trois interféromètres. Le premier, ça a été une coalescence de nouveau de trous noirs. Je crois que c'était la cinquième ou sixième. Mais c'était la première faite aussi par triangulation avec Virgo. Donc les trois interféromètres ont vu la même chose. Donc ça montrait que Virgo fonctionnait bien. Et trois jours plus tard, c'était au mois d'août 2017, oui. Il y a eu un autre événement qui a été observé, en fait, que par les Américains, pas par Virgo. Et ça, c'était la coalescence, non pas de deux trous noirs, mais de deux étoiles à neutrons. C'est-à-dire les mêmes étoiles à neutrons, c'est le fameux, qui avaient permis de voir que la prédiction d'Einstein était vérifiée 20 ans auparavant. Mais étant donné qu'on savait que Virgo fonctionnait, puisque trois jours avant, on s'est dit, ça veut dire que cette fusion, on a très vite pensé que c'était trop léger pour être des trous noirs, devait être dans l'angle mort de l'interféromètre Virgo. Donc la collaboration LIGO-Virgo, qui avait des accords divers et variés avec les observatoires astronomiques, a immédiatement alerté tous les observatoires du monde. Donc ça a donné en fait la direction. Parce que ça a pu donner une direction. Et là, tous les observatoires du monde, c'est-à-dire 3000 astronomes, il y avait donc les 1000 de la collaboration LIGO-Virgo pour la partie onde gravitationnelle, et 3000 astronomes, ça c'est un montre un degré aussi d'organisation spectaculaire, ont tourné leurs télescopes, leurs satellites et tout dans cette direction du ciel, et ont confirmé, parce que là ils ont vu, étant donné que ce n'était pas des trous noirs, mais des étoiles qui fusionnaient. Donc elles émettaient d'autres rayonnements. Donc elles émettaient de la lumière, enfin des ondes électromagnétiques, mais sous toutes ces formes. Donc des rayons gamma, des rayons radio, X, optiques, tout ça a été répertorié. Et il y a une manne gigantesque de données existantes qui font travailler énormément d'astrophysiciens pour comprendre tous les mécanismes de la fusion de deux étoiles à neutrons. Donc quand vous le dites que ça a été capital, c'est le fait que Virgo n'ait rien vu à Pise a été très précieux pour connaître l'origine du signal. Ils ont peut-être vu avec quelque chose, si vous voulez, mais c'était important qu'il y ait eu une première détection auparavant. Alors, est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on a une idée de la fréquence des ondes gravitationnelles qui traversent la Terre? Est-ce que c'est un événement banal? Alors, justement, ça, c'est très, très difficile à savoir. Les astrophysiciens se sont penchés sur la question pendant 40 ou 50 ans. Parce que, pour la coalescence de trous noirs, c'était très difficile à prédire parce qu'on n'en voyait pas. Et pourtant, on avait fait le calcul. Mais pas la fréquence, ça c'était non, difficile mais à faire. Sur le signal, on pensait que ça pouvait avoir lieu en tout cas. Ah oui. Et puis ça avait été étudié par les théoriciens en grand détail, on en reviendra. Mais ce que les astrophysiciens connaissaient, c'est des trous noirs, mais d'un type différent. Ce sont des trous noirs qui sont entourés d'un disque d'accrétion. C'est un trou noir qui était en rotation autour d'une étoile normale. Cette étoile normale perd de la masse qui va tourner autour du trou noir. Et ce que l'on voit, c'est les rayons X émis par ce disque d'accrétion, dont Jean-Pierre Lazota est un grand spécialiste d'ailleurs, qui tombe sur le trou noir central. Et ces trous noirs-là ont en général une dizaine de masses solaires. Il y a évidemment les gigantesques trous noirs qui sont au centre des galaxies, c'est un autre sujet. Mais on ne savait pas trop quelles seraient les masses de deux trous noirs tournant l'un autour de l'autre parce que les scénarios de formation de ces objets étaient mal connus. Et beaucoup de gens pensaient que la première fois qu'on détecterait des trous noirs, ils auraient des masses assez faibles, un peu comme ceux qu'on avait vus par des disques d'accrétion. Or, ils ont des masses élevées. Élevées, une trentaine de masses solaires. Voilà, c'est ça. Et donc certains astrophysiciens disaient que c'était bizarre, mais en fait, non. Il y a en particulier un astrophysicien polonais qui s'appelle Krzysztof Belchinski, qui avait, lui, mis au point des scénarios d'évolution en disant « Mais moi, je parie que les premiers qu'on verra auront des masses assez élevées. » Donc tout ça pour dire que cette fenêtre qui a été ouverte va nous apprendre énormément de choses. Parce qu'avant, on ne les voyait pas, donc il fallait faire des modèles, tout ça, il y avait pas mal d'imprécisions. Et en particulier, pour savoir combien d'ondes gravitationnelles traversent la Terre tous les jours, bon, il y en a des masses, certainement, détectables moins, évidemment. Là, on a déjà 5 ou 6 événements, donc un astrophysicien voulait donner 1 ou 2 événements et fait tout de suite des statistiques. Mais ça va s'affiner donc au fil du temps. Vous avez parlé de disque d'accrétion, il me semble que c'est l'occasion d'écouter un disque, un morceau de musique que vous avez choisi, qui est la sonate pour piano et violon de César Franck, Nathalie Daruel. Nathalie Daruel, vous avez choisi cette sonate pour piano et violon de César Franck. Il y a sûrement des raisons. Oui, oui. D'abord, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ma grand-mère qui jouait du piano magnifiquement, qui aimait beaucoup César Franck. Et puis, parce que c'est une sonate proustienne, hein. Donc c'est aussi un petit clin d'œil d'amitié à Thibaud Damour, qui est un grand ami et qui est très proustien, qui aime beaucoup cette musique. Et qui a eu la médaille d'or du CNRS pour ses travaux à propos des ondes gravitationnelles. Ah oui, ça, nous en reparlerons, bien sûr. Et aussi parce que ces crachouillis, Alfred Cortot, Jacques Thibaud, représentent un peu cette époque des années 20-30, et en particulier évoque pour moi la visite d'Einstein à Paris en avril 1922. C'est à l'époque où Proust finissait son œuvre. Et ça évoque donc toute une époque et qui montre que entre 1922, à l'époque où Einstein venait au Collège de France parler de ses théories, et de nos jours, il y a des abîmes technologiques, en particulier dans la qualité des disques et de la détection des ondes gravitationnelles, mais il y a une communion intellectuelle et de continuité. Il y avait notamment la fameuse rencontre entre Einstein et Bergson, oui, dont on parle encore beaucoup. Oui, dont on parle encore beaucoup, parce qu'il avait été invité à différentes conférences, et qui ont été d'ailleurs, je le signale parce que c'est important, rapportées en grand détail dans la Revue des Deux Mondes que tout le monde lisait à l'époque en France, en grand détail par l'astronome Charles Nordman, qui était à l'Observatoire de Paris, et qui montre bien qu'à l'époque, il y avait un public très cultivé qui pouvait suivre, qui allait lire des articles qui faisaient 20 pages, racontant les débats philosophiques, par exemple. Vous dites à l'époque, il y avait, ça veut dire que vous pensez que ce public n'existe plus ? S'il existe, puisque France Culture existe. Donc, on peut lire France Culture aujourd'hui, il y a un magazine. Pardon ? On peut lire France Culture, il y a un magazine. On peut lire le magazine de France Culture. Et en tout cas, pour revenir à cette conférence de... Enfin, c'était plutôt à des débats. Hein, Einstein lui-même ne s'est pas exprimé directement, mais Bergson évidemment était là. Et les remarques d'Einstein sont assez superficielles quand on regarde directement au tremble. Peut-être qu'il y avait un problème de langue, parce oui. que Einstein parlait français. Et quand il s'agissait de science, ça allait très bien. Mais quand il s'agit de philosophie, c'est plus difficile. Donc il y a eu des débats avec Bergson, mais il faut souligner que Bergson, qui est le philosophe que l'on connaît, était aussi, avait une culture scientifique parfaite. Il avait été premier prix au concours général de mathématiques, par exemple. Ça vous pose un homme. Ça montre en tout cas qu'il avait un bagage mathématique qui n'était pas complètement négligeable. Et en plus, il a écrit un livre sur la relativité, où, comme disait Einstein dans une lettre à son ami Solovin plusieurs années plus tard, Bergson a dit des choses un peu fausses dans son livre, disait-il gentiment. Alors vous avez parlé de Thibaud Damour, Nathalie Daruel. Quelle a été la contribution de Thibaud Damour, qui est un théoricien, oui, à la possibilité de détecter les ondes gravitationnelles? Elle était importante. C'est une histoire qui donc court sur 100 ans. Je rappelais tout à l'heure que jusque dans les années 50, il y avait eu des débats sans fin, que tout ça s'était cristallisé, tout le monde s'était mis d'accord dans ces années-là. Et Thibaud Damour et moi, on fait partie de la génération qui a grandi, qui a émergé, au moment de la découverte, parole c'était l'or, de ces deux étoiles à neutrons qui s'effondraient l'une sur l'autre en parfaite conformité avec la relativité d'Einstein. Donc ça c'est un point qu'on a fait en commun. Après ça, Thibaud a fait quantité de choses bien plus avancées. Mais tous les deux, on avait étudié en détail justement ce mouvement des pulsars binaires pour proposer aux observateurs ce qu'on appelle une formule de chronométrage, c'est-à-dire une prédiction qui prédit les temps d'arrivée des bips envoyés par ces pulsars sur Terre, en tenant compte du fait que l'orbite n'est pas une ellipse de Kepler, mais celle de la relativité générale, en tenant compte du fait que la lumière se promène dans un espace perturbé par les ondes, etc., ou par l'objet. Ensuite, moi, je suis partie vers la cosmologie, c'est une autre histoire, et Thibaud Damour qui lui aussi a fait des choses sur les trous noirs dans quantité de domaines, a vraiment été, est en France, celui qui a le plus fait pour, du point de vue théorique, pour comprendre ces ondes. Et ce qu'il a fait, c'est la chose suivante finalement. C'est que lorsque on disait tout à l'heure que ces équations d'Einstein n'étaient pas linéaires, ça veut dire dans la pratique que d'un point de vue mathématique, elles sont extrêmement difficiles à résoudre. Et la méthode standard, quand on a un problème comme ça, mathématique difficile à résoudre, c'est qu'on procède par ce qu'on appelle approximation successive. Donc la première, c'était celle d'Einstein, qu'on dit, on tronque les équations. Mais une fois qu'on les a tronquées, on dit, bon, maintenant que j'ai une première solution approximative, je vais tâcher de faire mieux. Ça s'appelle première itération, deuxième itération. Premier ordre. Ou des ordres. Et d'un point de vue technique, ça s'appelle les développements dits post-newtoniens. Le premier, ça donne Newton, post-post. Et donc là, il y a énormément de gens qui ont travaillé là-dessus. Et l'école française, de manière générale, s'est vraiment distinguée. C'est en particulier l'école de Luc Blanchet, à l'Institut d'astrophysique, qui s'est consacrée à ça avec ses étudiants, ses post-docs, et qui ont fait un travail très important pour développer ça. Et Thibaud Damour était en contact, a fait ça aussi avec eux. Et Thibaud Damour avait aussi développé une autre méthode avec des Allemands et des Polonais. Donc ça permettait de confronter les résultats, etc. Et ensuite, une fois qu'on connaît bien le mouvement des corps, il faut regarder les ondes gravitationnelles elles-mêmes. Il fallait aller bien au-delà de ce qu'avait fait Einstein en 1916. Et là encore, l'école française de Luc Blanchet à l'Institut d'astrophysique, avec Thibaud Damour et Thibaud Damour avec ses collaborateurs ailleurs, ont aussi énormément contribué. Évidemment, des Japonais ont fait quantité de choses, des Américains, essentiellement en fait. Donc c'était une entreprise mondiale. Mais un apport crucial et très important de Thibaud Damour, qui alors là est totalement le sien, avec Alessandra Buonanno, qui était sa postdoc à l'époque quand il a démarré, s'appelle l'approche effective à un corps. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Comme on sait, probablement, Newton a mis 25 ans avant de publier ses résultats. Et une des raisons, c'est parce qu'il étudiait le mouvement d'une planète autour du Soleil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mouvement à deux corps. Et en relativité générale, l'équivalent, c'est le mouvement de deux trous noirs l'un autour de l'autre. Mais il avait voulu simplifier, il a fallu qu'il puisse simplifier ce mouvement, et il y est arrivé, ça lui a pris beaucoup de temps, pour dire que finalement, ce mouvement de deux objets, c'était le même que le mouvement d'une toute petite particule dans le champ d'un soleil qui ne bougerait pas. Ça s'appelle donc la réduction du problème à deux corps au problème à un corps. Pendant très très longtemps, on a cru qu'en relativité générale, ça ne serait pas possible. Mais qu'est-ce qu'avait retenu Newton de publier ce résultat? Parce qu'il voulait vraiment le démontrer. Il voulait aussi démontrer, enfin plusieurs choses, il voulait aussi démontrer que le champ à l'extérieur du Soleil, qui est quand même un objet assez conséquent, était le même que celui créé par un point de même masse en son centre. Pour ça, il a dû inventer le calcul intégral avec Leibniz, avec toutes les controverses que l'on sait. Donc tout ça pour dire que c'était un problème difficile, même en théorie de Newton, mais maintenant qu'on apprend au lycée, enfin... Mais en relativité générale, on pensait pendant longtemps que cette simplification ne serait pas possible et que donc techniquement ça serait plus difficile. Et la grande idée de Thibaud Damour avec Alessandra Buonanno, qui a déjà une vingtaine d'années, c'était de se dire, eh bien, essayons. Et pour ça, il a utilisé des techniques qui viennent en ligne droite de l'astronomie traditionnelle, qu'on appelle les transformations canoniques. Enfin, c'est toute une histoire de l'astronomie qu'il a utilisée dans le cadre de la relativité générale et a donc pu arriver à ça, à des ordres assez élevés. Et ça a eu deux effets. C'est que ça a permis de simplifier énormément la description des phénomènes. Et en plus, ça a permis d'aller plus loin et de prédire ce qui se passerait analytiquement, sans ordinateur, au moment de la fusion. Et par conséquent, le résultat net de tous ces travaux, c'est que les modèles théoriques des signatures de la fusion de deux trous noirs ont pu être donnés sans gros calcul numérique. Or, les interféromètres LIGO Virgo, là, les expérimentateurs, ceux qui font les analyses des données, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont un signal qui est complètement perdu dans leur bruit. Ils nettoient le bruit tant qu'ils peuvent. Il y a un facteur 500 à peu près entre le bruit qu'ils ont et le signal qui est là-dedans. Donc pour chercher cette aiguille dans la botte de foin, il faut connaître exactement la forme de l'aiguille. Et donc ils ont besoin de ce qu'on appelle des banques de données, de modèles théoriques de ces signaux qui correspondent à différentes masses, différentes distances, différentes orientations. Et ce que j'ai compris de leur travail en simplifiant, c'est qu'ils font passer dans les données ces patrons, ça s'appelle des patrons d'ondes, pour voir s'il y en a un qui coïncide. Et s'il y en a un qui coïncide, à ce moment-là, ça signale une détection. C'est comme ça qu'ils ont pu dire cette onde, celle du... Et c'est ça qui a pris 6 mois de travail. Hein. Et alors, il existe, développé en particulier par les Américains, une autre méthode pour prédire ces ondes gravitationnelles, qui est de mettre ça dans des énormes ordinateurs. Ce qui est très bien et ce qui est nécessaire pour vraiment le moment de la fusion. Sauf que produire un signal pour des masses données, etc., ça prend plusieurs mois de calcul. Alors évidemment, tout ça, mettre les ordinateurs en parallèle, tout le reste. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'était assez capital d'avoir des patrons qu'on puisse obtenir. Des formules analytiques, comme on dit. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont dans votre livre, pour ceux que ça intéresse. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas résisté à ce plaisir. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, on pourrait parler aussi de Stephen Hawking, qui est mort au début de l'année 2018, donc qui était vivant quand l'annonce a été faite. Est-ce que vous connaissez sa réaction ? Bon, elle a sûrement été enchantée, comme nous tous. Et est-ce qu'elle lui-même, dans son travail de théoricien de la gravitation, s'est intéressée à ces ondes ? Alors, Stephen Hawking n'est pas connu pour ça. Il est surtout connu pour ses travaux de relativité générale, le rayonnement des trous noirs, la cosmologie. Mais en fait, quand il était tout jeune homme, avec son collaborateur et ami de toujours, un tout petit peu plus jeune, Gary Gibbons, quand ils étaient à Cambridge, au début des années 70, justement à l'époque où Joseph Weber essayait de détecter ces ondes, et donc quantité de groupes dans le monde ont fait des détecteurs comme ceux de Joseph Weber et n'ont rien trouvé. Et Gary Gibbons et Stephen Hawking, on le met en note en bas de page quelque part dans notre livre, avec Jean-Pierre Lazotta, avaient déposé un projet auprès des instances britanniques, pour avoir de l'argent, pour faire ce qu'on appelle cette barre, ce cylindre d'aluminium, là, et faire leurs propres expériences dans les caves du DMTP, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, qui à l'époque était à Cambridge, dans les anciens locaux de Cambridge University Press. Donc il y avait des grandes caves où avant il y avait des machines. Et Gary Gibbons m'a dit avec un humour tout britannique qu'il n'avait pas été financé, on n'avait pas considéré leur projet comme suffisamment sérieux et que les instances, en revanche, avaient donné de l'argent à un groupe de Glasgow qui, eux, ont fait un travail tellement magnifique que celui qui a fait les interféromètres américains après, un certain Ron Dreher, aurait probablement eu le prix Nobel lui aussi s'il n'était pas mort peu de temps avant la... C'est-à-dire que cet appareil, c'était déjà un interféromètre ? Oui. Analogue à celui que... Oui, oui, oui. Que vous avez évoqué. Mais Gibbons et Hawking, lui, pensaient plutôt à une barre. Donc ils estiment que finalement, Sa Majesté, le gouvernement de Sa Majesté a fait preuve de sagesse en donnant l'argent plutôt à des vrais expérimentateurs plutôt qu'à eux. Est-ce qu'on peut résumer rapidement quelles sont les idées fondatrices de la théorie d'Einstein, la relativité générale ? Il raconte dans son autobiographie intellectuelle qu'un jour de 1907, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie, qui est justement celle qui l'a mené à cette nouvelle théorie de la gravitation. C'était quoi cette idée ? Je suppose que vous faites allusion à cette idée de qui lui est venue à l'esprit quand il a lu dans le journal qu'un couvreur était tombé d'un toit. Oui, voilà. Même si l'anecdote est parfois remise en question. Oui. Donc cette idée, oui, fondatrice, ça s'appelle le principe d'équivalence. Bon, quelle est l'idée derrière ? C'est de se dire que quand on tombe d'un toit, de la tour de Pise, on est les balles de Galilée, même s'il n'a jamais fait l'expérience. En fait, si tous les deux nous tombions là, hein, d'un toit, eh bien... C'est une expérience de pensée. J'espère que ça restera une expérience de pensée. Eh bien, on ne sentirait plus notre propre poids. On tomberait librement dans ce champ de gravitation. Ce qui veut dire que si avec nous quelques outils tombent, des pommes, des différentes balles, eh bien on tomberait tous de la même façon. Comme Galilée l'avait déjà expliqué, oui. Mais ce que Galilée n'avait... Lui, Galilée, il était avant Newton, donc il ne connaissait pas la force de gravitation. Voilà, l'aspect technique de la force de gravitation. Et donc, l'idée d'Einstein, c'était de se dire, si on est enfermé dans un ascenseur, ou dans un, de nos jours, on dirait un vaisseau spatial, avec tous les hublots fermés, à ce moment-là, eh bien, on ne pourrait pas dire qu'on est dans un champ de gravitation. Ça veut donc dire que la gravitation est quelque chose de très spécial, c'est qu'on peut l'effacer. On peut faire en sorte la supprimer. Par une accélération. Oui, en se laissant tomber dans le... Et donc la question devenait, mais alors c'est quoi la gravitation ? Mais on peut aussi la mimer par une accélération. Voilà. Donc la question c'était, qu'est-ce que c'est que la gravitation si je peux l'effacer ? Et donc, comme vous venez de le dire, on peut aussi la mimer par une accélération. Et donc ce que Einstein a vu, c'est que on pouvait la mimer par une accélération, on pouvait la supprimer, mais que localement et pendant un temps fini. Parce que si, tous les deux, nous tombons d'un gratte-ciel suffisamment haut et que nous avons des instruments de mesure suffisamment précis, en fait, on s'apercevrait qu'on n'a pas complètement effacé la gravitation. Pour une raison très simple, c'est que si on tombe dans le champ de la Terre, petit à petit, on va se rapprocher l'un de l'autre. Donc nos trajectoires ne sont pas parallèles. Nos trajectoires ne sont pas parallèles. Ce qu'elles seraient si on pouvait effacer... Enfin, elles sont parallèles tant qu'on n'a pas des instruments suffisamment précis pour voir qu'elles ne le sont pas. Mais si ça dure suffisamment longtemps ou si on a des instruments suffisamment précis, on verra cet effet de gravitation. Et cet effet de gravitation, c'est un peu comme un effet de marée, si vous voulez, qui nous fait nous rapprocher l'un de l'autre. Et c'est ça qui change un peu notre distance. C'est ce que font les ondes gravitationnelles. Ce n'est pas un effet local, c'est un effet entre deux objets. Il faut vraiment deux objets pour mesurer. Et c'est le fait que ce soit local qui rend les choses si compliquées, parce qu'entre cette idée qu'il a, je parle d'Einstein en 1907, oui. Et puis la théorie elle-même qu'il publie en 1915, il y a eu beaucoup de travail. Ah bah oui, parce qu'après ça, il a dû se dire, mais comment je vais représenter cette force ? Et c'est là où il s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas une force, c'était pas comme ça qu'il fallait la concevoir, mais que c'était une partie intégrante de la géométrie. Donc ça, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? La géométrie. Et c'est là où il faut se rappeler ce qu'on apprend à l'école sur la géométrie. Et ce qu'on apprend à l'école sur la géométrie, c'est celle qui a plus de 2000 ans, c'est celle d'Euclide, et qui nous donne des règles dérivées d'un certain nombre d'axiomes. Un axiome, qu'est-ce que c'est en mathématiques ? C'est une affirmation gratuite, en un sens. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et on peut en faire un certain nombre, à tant que condition qu'il n'y ait pas d'incohérence logique entre eux. Et à partir de ça, on peut faire, par exemple, établir par exemple, le théorème de Pythagore, qu'on apprend à l'école, sur le carré de la diagonale d'un triangle rectangle, qui est égal à la somme des carrés des côtés. Et dans cette construction intellectuelle, il y a l'idée que quand on a des parallèles, c'est-à-dire de droite, qu'on peut rejoindre par une autre qui sont à angle droit, eh bien, elles resteront parallèles tout le temps. Mais en fait, c'est une histoire qui a pris 2000 ans. Que vous racontez d'ailleurs dans un livre qui s'intitule « De Pythagore à Einstein, tout est nombre ». Oui, c'est vrai, j'en parle. Et donc dans cette histoire de 2000 ans de mathématiques, l'histoire de la géométrie, et c'est au 19e siècle, qu'on a 18e, 19e siècle, à partir de Gauss, qu'on a compris qu'on pouvait inventer d'autres géométries mathématiques. Et ces mathématiciens, comme Gauss ou Bernard Riemann, étaient des mathématiciens, mais ils se disaient, mais ça veut dire que maintenant, la géométrie, c'est pas quelque chose qui est imposé à l'esprit humain, comme Kant le disait, mais c'est quelque chose qui doit être mesuré, c'est quelque chose qui doit être... C'est presque un objet physique. C'est un objet physique, oui. Et la gravitation d'Einstein, ça a été cette incarnation, si vous voulez, de ces géométries qui avaient été prédites, étudiées par les mathématiciens. Et pour Einstein, ça a été un travail énorme, parce que lui-même était physicien. Il avait bien fait un petit peu de géométrie avancée au Polytechnique de Zurich, mais il a fait appel à son grand ami Marcel Grossmann, qui était un mathématicien et qui l'a initié. Qui lui n'avait pas séché les cours de mathématiques à l'école. Exactement. Mais il faut être conscient que Einstein a utilisé des mathématiques vraiment de son temps, des mathématiques qui étaient toutes récentes. Merci Nathalie Dorel de nous avoir parlé de la gravitation et de ces tremblements de ciel que sont les ondes gravitationnelles. Vous connaissez l'anagramme de la gravitation universelle ? Encore un ? Encore une. Une, pardon. Ça donne loi vitale régnant sur la vie. Ça devrait vous plaire. Tout à fait. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Emmanuel Arminck et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honodibio pour le temps des écrivains.